C'était un 14 juillet, il faisait gris, la pluie tombait. J'étais en train de me faire sucer par ta copine le long des quais. Alexandra, je n'y crois pas, le temps n'a pas d'emprise sur toi, après 30 ans de guérilla. Et notre histoire a commencé par des galères dans les quartiers. On cherchait juste à se défoncer en écoutant du bon reggae. Alexandra, je n'y crois pas, la musique est toujours en toi, après 30 ans de sensibilia. Et qu'on aille danser tous les trois.